rouge et le manque. Puis le manque à domicile, des pleurs de nos rêves infantiles. Sans souci de la ville, des pignons imbéciles, des hélices faufilent de ta hanche, des éclipses exigent de moi sur le rêve. Que fait-il là? Que faut-il que l'on dise? J'emporte la honte avec moi au bout des doigts. Au bout des doigts, c'est déçu et pourtant c'est déchu. C'est dessus, faut que j'y aille. Je t'enlève ce qu'il y a, je délaisse ton corps. J'idolâtre la mort, le contraire des coups. Pourrait être bien des coups, le contraire de nous. Pourrait bien être mien.